Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler de soccer, de ce match historique qui est survenu mardi soir, la première victoire du Canada en 34 ans. On en parle avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Germain. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport, salut Danny. Benoît, si on parlait un peu de ce match, c'est une victoire historique puisque c'était la première en 34 ans. Oui, écoute, 34 ans, battre les États-Unis, ben écoute, on sait que le Canada, c'est pas facile. Hein? C'est ça, justement, en regardant les statistiques, Danny, si on recule il y a 34 ans, ça nous amène en 85 à peu près. Oui, ça, c'est la dernière participation du Canada à la Coupe du Monde. Le Canada a fait une participation à la Coupe du Monde, oui, c'était en 86. Donc, probablement qu'il avait battu les États-Unis à ce moment-là, ça nous a permis. Moi, je me souviens vaguement de ce match-là. Je me souviens plus de leur participation à la Coupe du Monde. Là. Je me souviens qu'un match avec le Canada n'avait pas marqué un but pendant la Coupe, mais avait quand même joué un match contre les Français. Et la France avec Platini dans ce temps-là, le Canada avait perdu seulement 1-0. Oui, je me rappelle de ce match-là. Je pense que je vais le trouver sur YouTube, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Puis je te dirais aussi que quand une équipe joue à la défensive, puis joue hermétique, puis capable de s'en sauver avec un bon résultat, mais il reste qu'à ce moment-là, je pense que la France avait perdu en demi-finale. C'était les grosses années de Platini là, à ce moment-là. Donc oui, belle victoire historique. Il faut rappeler qu'on avait un Québécois, représentant québécois, en la personne de notre ami Samuel Piette, de l'Impact de Montréal. On avait un autre Québécois, mais il n'a pas participé au match, là, Maxime Crépeau, qui était dans la liste des 23, mais qui n'était pas dans le 11 partant. Il faut rappeler que le gardien, là, c'est le Serbe canadien, Milan Borjan, là, qui était dans les buts là, pour le Canada. Très belle performance de l'équipe canadienne, mais ils vont être à surveiller, Danny, parce qu'ils ont de bons jeunes joueurs, des Alfonso Davis qui joue en Allemagne, des Jonathan David qui joue en Belgique. Donc, les Jonathan Osorio et Toronto encore qui s'en sort très bien. Donc, je te dirais que l'équipe canadienne masculine, ça va être en bonne position, parce que si tu veux qu'on en parle après, On dit que c'est John Heyman qui est le nouveau sélectionneur canadien qui a changé toute la donnée, qui est en train de changer. Et c'est lui qui était chez les filles. Mais Il change la donne, mais il faut avouer qu'il y a quand même du développement qui se fait à la grandeur du pays. Oui. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent dans les championnats à l'extérieur. Et on a justement le nom que je t'ai nommé, Alfonso Davis. Une perle, là. C'est un diamant brut, ça. Il a 19 ou 20 ans. Je pense qu'il a 18 ans, je pense, Danny. C'est pas comparable avec Tableau, hein. Badou qui semble avoir plafonné. Là, on n'entend plus parler. T'sais, on disait le deuxième, on disait que c'était Tableau et Alfonso Davis, mais là, ça ressemble que c'est Davis pas mal qui a pris la pause. Mais je pense que Tabla, c'est une question de comportement. Là. Je pense que là, ça a peut-être monté à tête d'aller à Barcelone. Ouais. Il a été rétrogradé. L'Impact l'a prêté. Il appartient encore au FC Barcelone. Ouais. Mais l'Impact, il va falloir que je pense que même Cabrera, on a entendu dire là, que dans ses conférences de presse, il y avait eu quelques démêlés, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Mais je pense que Tabla, c'est un nouveau comportement. Il doit faire ses preuves sur le terrain quand l'Impact a besoin de lui. Là. Effectivement. On va parler donc du Canada. Le prochain match qui va aller contre les États-Unis, ça va avoir lieu au mois de novembre aux États-Unis. C'est un match, il faut dire, c'est une série aller-retour. Je vais t'expliquer un peu le fonctionnement de cette ligue-là. C'est la Ligue des Nations. Ça fait pas longtemps qu'elle a été mise en place. C'est une nouvelle formule du Canada Soccer. Puis au niveau de la CONCACAF, on se retrouve. L'Impact avait joué des matchs avant pour se retrouver dans ce groupe-là. On avait réussi à se qualifier contre des clubs, des nations un petit peu de moins de qualité un peu. Et le Canada avait gagné ses matchs. Et là, on se retrouve avec un groupe à trois. On se retrouve avec quatre groupes de trois équipes. Les meilleurs de la CONCACAF sont là. Mais dans le groupe canadien, il y a Cuba et les Américains. On a battu les Cubains deux fois, Danny, dans les deux matchs. Ça avait été assez serré. Et le Canada vient de battre les Américains. Donc, il reste un match. Il faut que le Canada, Danny, termine premier de son groupe. Et là, ça veut dire qu'on est en bonne position. Si on va chercher nul aux États-Unis, ça nous assure la première place. Et là, si on gagne, si on termine en première position de notre groupe, ça nous amène au printemps prochain, Danny, puis ça va permettre au Canada, comment je te dirais ça, ça va permettre au Canada de, si on gagne la Ligue des Nations, parce que là, on se retrouve, Danny, avec quatre groupes, OK? On se retrouve avec quatre groupes. Si le Canada finit premier, eh bien, je te dis que là, à ce moment-là, là, on est dans la Ligue A, je crois, c'est ça, c'est bien ça. Et si le Canada gagne la Ligue des Nations, mais on va retrouver le Mexique sur notre passage, et le grand champion de ça, c'est ça qu'il peut, il faut que ça fasse une place à l'équipe canadienne au niveau de l'Hexagone. Okay. L'Hexagone de la CONCACAF, Danny, il faut se rappeler que quand il y a des phases de qualification pour les Coupes du Monde, comme là, les prochaines phases de Coupe du Monde pour le 14 2022 vont commencer bientôt. Il y a des continents qui s'est déjà commencé en Asie. Mais ici, dans la CONCACAF, on sait comment ça fonctionne. Le dernier groupe, quand on dit hexagone, ben c'est six côtés, donc c'est six équipes. Et le Canada, depuis 1998, n'a pas réussi à se rendre dans ce groupe-là. C'est là que c'est la dernière phase pour aller après ça à la Coupe du Monde. Alors là, si on gagnerait cette Ligue des Nations-là, ça pourrait nous amener dans ce groupe de six de l'Hexagone que je viens de te parler là. Donc là, ça permet, parce que rendu dans l'Hexagone, dans ces six-là, on se retrouve dans un nouveau tournoi, dans une nouvelle formule. Et là, on va jouer un match contre chaque équipe, deux matchs contre chaque équipe à la maison et à l'extérieur. Et on prend les trois premiers et là, on les envoie, ils sont qualifiés à la Coupe du Monde 2022. Et on sait que le quatrième, lui, va aller faire des barrages à contre d'autres nations. Donc, le Canada, comme je te dis, c'est depuis 1998 qu'on ne les a pas retrouvés dans l'hexagone de la CONCACAF. Ça fait un méchant bout, là. Ça fait un méchant, méchant bout. Écoute, c'était ridicule, Manu. On en a parlé souvent du Canada, comment c'était pathétique. Là, on était au 85e rang. La FIFA, je voyais ça avant le match contre les Américains. C'était 15. Ouais, là, on va monter certainement. Mais c'est comme je te dis. Donc, l'hexagone de la CONCACAF, comme je te dis, il faut que le Canada... Ça a commencé en 98, ce type de formule-là. Là, t'sais. En 86, quand le Canada s'est classé, ça n'existait pas. Ça s'est modifié par la suite. La seule participation du Canada, donc, c'est en 98, et on avait terminé en sixième position. Il faut rappeler que le Mexique, les États-Unis réussissent toujours à se qualifier pour les Coupes du Monde. Tu as le Costa Rica, tu as le Honduras qui sortent souvent. Mais là, ça sera peut-être autour du Canada. Et je pense que le Canada, avec les joueurs qu'ils ont, la sélection qu'ils ont, ils pourraient se qualifier pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que le Canada peut se retrouver au 14. En 2026, c'est sûr qu'on va être là. Fait que c'est sûr qu'on va être là en 2026, puisque ça va être ici même. Mais 2022, c'est une com. Il y a moins d'équipes encore cette année. Hein. On passe à 48 équipes, puisqu'il y en avait parlé. Pour l'instant, comme j'ai pu lire, pour la Coupe du Monde au 14 2022, on est encore à 32 équipes. La FIFA, j'ai vu passer des choses un peu, mais on n'a pas encore. Ça va se faire en 2026, ça c'est certain, mais pour 2022, ça s'est parlé, mais pour l'instant, la FIFA ne semble pas avoir changé sa décision et il semble y avoir encore 32 nations là, qui vont être à la Coupe du Monde au 14 en 2022. Benoît, c'est les qualifications de l'Euro, ça avait lieu à partir de la semaine passée jusqu'à mardi. Où est-ce qu'on s'en est rendu? Je pense que l'Italie, j'ai vu que l'Italie s'y est fait. Donc, Il va rester un ou deux matchs par sélection. Il faut rappeler qu'on va prendre 24 nations cette année. On a augmenté le nombre de nations à l'Euro. Avant, on était 4 groupes de 4, on était 16. Là, on tombe à 24 pays qui vont être là. C'est comme les Coupes du Monde. L'Euro, ont décidé d'upgrader déjà là, pour la prochaine. On sait que ça va se disputer dans 10 villes en Europe. Je ne sais pas quel anniversaire qu'on fête, mais c'est à cause de ça. Ça ne sera pas dans un pays quelconque. Ça va être dans 10 villes d'Europe, dans des gros stades en Europe. Les finales vont se jouer à Londres, au stade Wembley. Les demi et les finales vont se jouer à Londres. J'ai déjà essayé de m'acheter des billets. Des fois, on ne sait jamais. Mais là, ça marche-tu comme la Coupe du Monde avec un tirage? Il y a des formules de tirage comme ça aussi. Il y a toutes sortes de formules. Il y a la formule par nation aussi. Quand tu es avec une fédération, il y a une possibilité d'y aller comme ça aussi. Donc, c'est quand même... Il y a le tirage au sort qui existe aussi, mais il faut être chanceux comme j'avais été là en 2018. Et pour te dire, à date, les nations qui sont déjà qualifiées, là, On a dans le groupe B, on a l'Ukraine qui est qualifiée, on a l'Espagne qui est qualifiée, on a la Pologne qui est qualifiée, on a la Belgique et la Russie dans le groupe I, et dans le groupe J, comme tu as mentionné, l'Italie est là. Maintenant, les groupes, les matchs du mois de novembre vont être très serrés. Ça va être intéressant de voir les rendez-vous qu'on va avoir, là, parce que dans le groupe A, là, t'as l'Angleterre, les Tchèques et Kosovo qui créent une surprise. Donc, on devrait voir les Anglais, mais ils ont échappé le dernier match là, contre les Tchèques, justement, 2-1, un gros match. Et dans le groupe B, je te dirais le Portugal avec la Serbie, on est en 2e-3e position. Il faut juste que je te rappelle qu'il y a 10 groupes, on prend les deux meilleures nations de chaque groupe, donc on va avoir 20 équipes et les 4 autres nations qui se qualifieront. C'est en lien avec la Ligue des Nations en Europe qui a été mise en place aussi, ouais. En rapport avec ça aussi. Dans le groupe C, présentement, t'as les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande du Nord qui attendent de causer une surprise, donc ça va être serré, on parle de au niveau des points 15-12, donc il reste deux matchs à jouer. Ça sera une grande surprise de voir les Irlandais. Mais les Pays-Bas ont une super jeune sélection. Moi, ils me surprennent, les Pays-Bas, ils avaient battu la France. L'Islande, comment ils sont là-dedans? L'Islande, présentement, ne sont pas éliminés, mais ils sont dans le groupe avec la Turquie. C'est la Turquie qui cause une surprise, présentement. Okay. La Turquie est égale avec la France. Les Turcs ont battu les Français 2-0 en Turquie. Et le dernier match qui a eu lieu la semaine dernière, lundi, ça s'est terminé 1-1. Les Français ont dominé le match, ils ont joué un super match, mais le gardien turc a fait des arrêts incroyables. Et les Islandais, de leur côté, ne sont pas éliminés, mais ça, présentement, il manque une victoire à la France pour se qualifier. Les Turcs et les Islandais devraient se retrouver pour un match là, encore de qualification, donc ça devrait être intéressant à ce niveau-là. Et comme dans les autres groupes serrés, les grosses nations qui peuvent être en danger, je peux te dire que t'as la Suède, des quarts de finalistes de la Russie, ça va être serré que la Roumanie. Donc, ça se passe. Il y a la Norvège dans ce groupe-là qui peut avoir des chances aussi. Tu as le groupe E, Croatie, Hongrie, Slovaquie, c'est pas fait encore. Quoique les Croates, on l'avance un petit peu par rapport à ça. Et dans le groupe D, présentement, c'est le groupe le plus serré. Tu as 3 nations là, de même niveau. L'Irlande ont 12 points. Le Danemark et la Suisse en ont 12 et 11. Donc, il reste 2 matchs à jouer. Ça va être très serré à ce niveau-là. Donc, à voir les prochains matchs au mois de novembre, on pourra en parler. Et la dernière sélection que je veux te parler, Danny, c'est la Finlande, qui est en 2e position. Mais il y a Raitala qui est là et il y a Lapalainen, les deux joueurs de l'Impact. Ils ont été utilisés lors du dernier match. Donc, ces deux joueurs-là devraient être à l'Euro peut-être l'an prochain. Là, il lui manque une victoire et on va les retrouver à l'Euro. Donc, on a vu la belle performance de Lapalainen avec l'Impact en fin de saison. Là. OK. Je veux te parler de l'Impact aussi. Hey, t'as-tu vu le bilan de fin de saison qu'ils ont eu il y a quelques jours? Ah, pas de bon sens. Hein? Wilmer Cabrera qui était là. Il n'y avait personne de la direction qui était là. C'était le coach qui n'a même pas été là le trois quarts de la saison qui venait faire le bilan de saison. On dirait que... Ça fait drôle et ça fait curieux en même temps. Bon, on dirait que ça devient redondant, l'Impact de Montréal, la façon qu'ils gèrent la communication. Oui, la communication, tout ce qu'on a vu dans les dernières années. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est Saputo qui est supposé être le grand Manitou de tout ça, qui travaille mal son dossier? Maintenant, on a Kevin Gilmour, il y a un an de fait, il y a le temps de voir un peu ce qui se passe. Quand même un homme de sport professionnel un peu. Peut-être qu'il s'y connaît moins au niveau du soccer. Il est allé chercher Olivier Renard au niveau de directeur sportif, mais on ne pouvait pas amener Olivier Renard là. Guillemot aurait dû, d'après moi, aller parler un petit peu. On a vu Piatti pas aller à la conférence non plus. Hein. Il faut savoir que Piatti s'est retiré. Moi, je pense que Danny Piatti l'Impact a décidé de prendre l'année d'option de Piatti. Donc, Piatti s'attendait probablement qu'il se laisse aller. Ça aurait fait en sorte que si un club s'intéresse à Piatti, ça ne va rien coûter à ce club-là d'aller le chercher. Mais l'Impact, en mettant son année d'option en le prenant, ça veut dire que si un club qui est intéressé à Piatti devra payer pour avoir Piatti. Alors, l'Impact devra prendre sa décision si on veut garder Piatti ou pas à la baisse. Parce que Piatti, on parle de 4 millions, je pense. Et il faut savoir, quand même, Piatti ne veut pas. Oui, ça paraît quand t'es dans le jeu, mais à 33-34 ans, blessé comme il l'a été cette année, on sait que c'est la raison majeure de l'Impact qui n'est pas en série. Là, le fait que Piatti a manqué tant de matchs que ça, il reste que Piatti demeure la bougie d'allumage de l'Impact de Montréal. Mais l'Impact va avoir de grandes, grandes décisions à prendre là, avant la fin de l'année, je dirais, parce que la Ligue des champions, c'est en février. Il va falloir, si on y va avec Cabrera, bon, on change de staff d'entraîneur, il va falloir qu'on sache exactement ce qu'on fait avec ça. Parce que le staff va travailler pour reconstruire le club. Si on y va avec Cabrera, bon, OK, c'est bien correct, mais parce que là, il y a des décisions à prendre. Oui, effectivement. Donc, en fin de semaine, c'est le début des éliminatoires de la MLS. On aura l'occasion de se reparler également de ça. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au 5-Saint-Jean. Gros merci. On s'en parle bientôt. Yes, salut, Danny. Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com, la référence du soccer au 5-Saint-Jean.